Chapitre 5e. J'en étais là, quand Jasmin, entrant brusquement, m'annonça le vicomte de Florville. Le vicomte de Florville, je ne le connais pas. Dites-lui que je n'y suis pas. Monsieur, il est dans votre chambre à coucher. Comment? Vous laisseriez donc entrer toute la terre? Monsieur, il a forcé la porte. Au diable, le vicomte de Florville. Tremblant que cet inconnu si peu civil ne vînt jusque dans mon cabinet, et que d'un œil profane il ne parcourût ce papier, dépositaire de mes plus secrets sentiments, je me précipitai dans ma chambre à coucher. Un cri de surprise et de joie m'échappa. Ce prétendu vicomte, c'était la marquise de B. Mon premier mouvement fut de pousser Jasmin dehors, le second, de verrouiller la porte, le troisième, d'embrasser le charmant cavalier, le quatrième, les esprits pénétrants l'ont déjà deviné. La marquise, toujours étonnée de ma vivacité, dès qu'elle eut repris ses esprits, me dit « Vous êtes un bien singulier jeune homme. Ne vous lasserez-vous jamais de prendre le roman par la queue? Il n'y a que vous dans le monde capable de commencer un raccommodement par où il doit finir. Eh bien, maman, prenez qu'il n'y a rien de fait. Voyons, disputons-nous. Oui, afin de nous raccommoder encore, n'est-il pas vrai, petit libertin? Ah, ma chère maman, je n'ai pas une idée que vous ne compreniez d'abord. Hier, pourtant, vous ne m'avez pas comprise, ingrat que vous êtes. Hier, je boudais encore. Et de quoi, s'il vous plaît? Pouvais-je soupçonner que vous fussiez sous cet ottoman? N'était-il pas essentiel pour vous et pour moi de retirer ce portefeuille des mains du marquis? Tout cela est vrai, maman, mais le dépit... Le dépit! Vous avez du dépit, vous, pour qui j'oublie mes devoirs, toutes les bienséances, le soin même de ma réputation. Et de quel ton répondez-vous à la lettre la plus tendre? Elle tira la mienne de sa poche. « Tenez, ingrat, relisez-la, votre lettre, relisez-la de sang-froid, si vous pouvez. Quelle cruelle ironie, quel persiflage amer. Et cependant, je vous pardonne. Et cependant, je viens vous chercher. Je me conduis avec autant de faiblesse et d'imprudence qu'un enfant de 12 ans. Faublas, Faublas! Il faut que le charme soit bien fort. Il faut que vous m'ayez ensorcelé. Petite maman, eh bien, grondez-moi fort, parce que nous nous raccommoderons. « Comment, fripon, vous n'avouerez seulement pas que vous avez eu tort? Vous ne me demanderez pas pardon ?»« Si fait. Oh, que vous êtes belle. Oh, que je vous demande pardon. » Les gens qui ont de l'esprit, et même ceux qui n'en ont pas, devineront encore qu'ici, la marquise et moi, nous nous raccommodâmes. On croit que nous allons recommencer à nous quereller, point du tout. Voici l'instant des petites caresses et des compliments tendres. « Mon Dieu, Florville, que vous êtes séduisant dans ce joli négligé. » Que ce frac anglais vous va bien. Mon ami, je l'ai fait faire hier tout exprès. Il est, si je ne me suis trompé, de la même étoffe et de la même couleur que ce charmant habit d'Amazone, dans lequel l'amour, qui voulait ma défaite, te fit paraître à mes yeux pour la première fois. Devenu chevalier de Mademoiselle du Portail, j'ai senti qu'il me convenait de prendre ses couleurs. Je la serrai dans mes bras. Et moi, désormais l'esclave du vicomte de Florville, je me plairai toujours à porter ces chaînes. Maman, quelle douce réciprocité! Mon ami, l'amour est un enfant qui s'amuse de ses métamorphoses. Il fait de Mademoiselle du Portail une vierge folle. Il fait de la marquise de B un jeune homme imprudent. Ah, puisse le vicomte de Florville te paraître aussi aimable que Mademoiselle du Portail me sembla jolie? Aussi aimable? Bien davantage. Oh non, répondit-elle, en se mirant avec complaisance, en me considérant avec tendresse. « Oh non, vous êtes mieux, mon ami, plus grand, plus dégagé. Il y a dans votre air quelque chose de hardi, de martial. »« Oui, maman, et si j'en crois un grand physionomiste, quelque chose de plus nerveux ?»« Faublas, laissez-la, monsieur le marquis. N'est-ce pas assez du mauvais tour que nous lui jouons ?»« Enfin, je ne suis pas venu ici pour m'occuper de lui. »« Oh ça, mon ami, dis-moi sans flatterie, comment tu me trouves ?»« Bien, plus que bien. » Je n'aurai pas de peine à vous dire comment vous êtes mieux. Mais puisqu'absolument, homme ou femme, il faut qu'on s'habille, ah, je défie, d'une manière ou de l'autre, que personne ne soit jamais aussi joli que vous. Voilà bien le langage d'un amant, toujours enthousiaste, toujours exagéré. Mon cher Faublas, quelle femme sera plus heureuse que moi, si tu me vois toujours des mêmes yeux? Oh, maman, toute ma vie! Je la tenais dans mes bras. Elle m'échappa pour aller prendre une épée qu'elle aperçut sur un fauteuil. En ajustant le ceinturon, elle me dit « J'ai un joli cheval anglais que je monte quelquefois. Nous touchons au printemps. J'aime beaucoup à me promener à cheval dans les environs de Paris. Voudrez-vous bien m'accompagner quelquefois, Faublas ? Veux-tu, mon ami, t'égarer de temps en temps dans les bois avec le vicomte de Florville ? Mais on nous verra. Non, le marquis est souvent obligé d'aller à la cour. Eh bien, maman, quel jour ? Laissez donc paraître la verdure. En me parlant, elle avait tiré mon épée et s'escrimant en face de moi. « En garde, chevalier, me dit-elle. Je ne sais pas si le vicomte est redoutable, mais ce que je sais bien, c'est que ce n'est pas là, ce n'est pas ainsi, que je dois me battre avec la marquise. Ose-t-elle accepter une autre espèce de combat ? Elle vola dans mes bras. « Ah, Faublas, me dit-elle en riant. Ah, s'il n'y en avait jamais de plus meurtrier. Maman, ce ne serait plus parmi les hommes qu'on chercherait des héros. » Je venais de mettre la marquise hors d'état de me battre, et bien m'en prie. Ma belle maîtresse me donna encore 2 heures, que nous employâmes passablement bien. Si je n'écoutais que mon cœur, me dit-elle enfin, je resterai ici toute la journée. Mais voici l'heure à laquelle je dois rejoindre Justine dans un endroit et mes gens dans un autre. Nous nous dîmes adieu. Je reconduisais poliment le vicomte de Florville. Déjà sorti de mon appartement, nous allions descendre l'escalier, lorsqu'à travers les rampes, je distinguais dans le vestibule Rosenberg qui se disposait à monter. J'en avertis la marquise. « Rentrons promptement, me dit-elle. Je vais me cacher dans quelque coin de votre appartement. Vous me le renverrez vite. » À ces mots, sans me donner le temps de la réflexion, elle rentra, traversa la chambre à coucher comme une folle et se jeta dans mon cabinet. Rosenberg entra. « Bonjour, mon ami. Comment se porte Adélaïde ? Comment se porte la jolie cousine ? Chut, chut, ne parlez pas de cela. Mon père est là. Oh, dans ce cabinet. Dans ce cabinet, votre père ? Oui. Et que fait-il là ? Il examine mes livres. Comment, vos livres ? Mais non, il n'est pas dans ce cabinet, car tenez, le voilà qui entre. Il y a de la marquise dans tout ceci. Et pourquoi ne pas me dire tout bonnement que vous êtes en affaires ? Adieu, Faublas, à demain. Il passa devant mon père et le salua. Cependant, le baron me regardait d'un air sévère et se promenait à grands pas. Impatient de savoir ce que m'annonçait cet abord sinistre, je lui demandai respectueusement pourquoi il m'avait fait l'honneur de monter chez moi. « Vous le saurez tout à l'heure, monsieur. » Un domestique parut. « Va-t-il venir ? » cria le baron. « Le voilà, monsieur. » Et mon cher gouverneur entra. Le baron dit. « Monsieur, ne vous ai-je pas chargé de la conduite et de l'éducation de mon fils ? » « Oui, sans doute. »« Eh bien, monsieur, l'une est très négligée et l'autre très mauvaise. »« Monsieur, ce n'est pas ma faute. Monsieur, votre fils n'aime pas l'étude. » « C'est là le moindre mal, » interrompit le baron. « Mais comment ne suis-je pas instruit de ce qui se passe chez moi ? Pourquoi ne m'avertissez-vous pas des désordres de mon fils ? Monsieur, quant à ce qui se passe chez vous, je ne puis répondre que de ce que je vois. Au dehors, je ne puis répondre de rien. Monsieur, votre fils, quand il sort, souffre rarement que je l'accompagne. Et... » Un regard que je jetais sur M. Persson l'avertit qu'il en avait assez dit. Le baron reprit. « Monsieur, je n'ai qu'un mot à vous dire. Si ce jeune homme se conduit toujours aussi mal, je me verrai forcé de lui choisir un autre instituteur. Laissez-nous, je vous prie. » Lorsque M. Persson fut sorti, le baron prit un fauteuil et me fit signe de m'asseoir. « Pardon, mon père, mais j'ai affaire. Je le sais, monsieur, et c'est précisément pour que cette affaire ne s'achève pas que je viens vous parler. Mon père, encore une fois, pardon, mais il faut que je sorte. Non, monsieur, vous resterez. Asseyez-vous. » Il fallut bien s'asseoir. J'étais sur les épines. Le baron commença. Se peut-il que Faublas ait de sang-froid médité des horreurs ? Se peut-il qu'il veuille abuser la simple innocence et préparer des pièges à la vertu ? Moi, mon père ? Oui, vous. Je viens du couvent, je sais tout. Si mon fils, encore trop jeune pour sentir que plus une conquête est aisée, moins elle est flatteuse, qu'il faut se garder de confondre une intrigue avec une passion, que l'amour du plaisir ne fût jamais de l'amour, mon père, daignez parler moins haut. Si mon fils, trop enivré de ce qu'on ne peut appeler qu'une bonne fortune, plus bas, je vous en supplie, trop charmé de la découverte d'un sens nouveau et de la possession d'une femme qui n'est pas sans attrait, si mon fils, dans les bras de la marquise de B, c'en est trop, de grâce, mon père, avait oublié son père, son état, ses devoirs, je l'aurais plaint, mais je l'aurais excusé. Je lui aurais donné les conseils d'un ami. Je lui aurais dit... Plus la marquise, mon père, si vous saviez. Plus la marquise est belle, plus elle est dangereuse. examine avec moi la conduite de cette femme dont tu es épris. Au premier coup d'œil, ta figure la décide, elle te prend en une soirée. Je vous conjure de ménager. Pour satisfaire sa folle passion, elle expose sa vie et la tienne. Qu'elle doit être vive, ardente, emportée, celle, mon Dieu, celle qui sacrifie à la soif du plaisir son repos, son honneur, l'estime publique. À mon père, monsieur, je te le répète, mon ami, plus la marquise est belle, plus elle est dangereuse. Tu croiras dans ses bras que la nature a des ressources inépuisables. Désolé de ne pouvoir m'expliquer, bien convaincu que le baron ne se tairait pas, je me déterminai à attendre patiemment la fin de cette remontrance, que dans une autre occasion, je n'aurais peut-être pas trouvé trop longue. Le coude gauche posé sur le bras de mon fauteuil, je mordais ma main de dépit et mon pied droit, toujours en mouvement, battait la mesure sur le parquet. Mon père, cependant, continuait. Tu l'énerveras, la nature, au moment de la puberté, dans cet âge critique où, travaillant au développement des organes, elle a besoin de toutes ses forces pour achever son ouvrage. Je sais bien que l'excès des plaisirs produira la satiété, mais le dégoût viendra trop tôt, peut-être. Mais déjà, tu pleureras ta santé détruite, ta mémoire perdue, ton imagination flétrie, toutes tes facultés altérées. Infortuné, tu deviendras, à la fleur de ton âge, la proie des noirs chagrins, des infirmités repoussantes, et dans les horreurs d'une vieillesse prématurée, tu gémiras d'être obligé de supporter le fardeau de la vie. Oh, mon ami, redoute ces malheurs, plus communs qu'on ne le pense. Jouis du présent, mais songe à l'avenir. Use de ta jeunesse, mais garde des consolations pour l'âge mûr. Cependant, ajouta le baron, mon fils, peu touché de mes représentations paternelles, aurait donné en m'écoutant mille signes d'impatience, il se serait dandiné sur son fauteuil, il m'aurait interrompu 100 fois, je n'aurais pas eu l'air de m'en apercevoir. Plus effrayé de ces dangers que sensible à mes injures, j'aurais continué tranquillement. Je lui aurais dit, « La marquise de B. » On conçoit ce que je souffrais depuis un quart d'heure. Je ne pus contenir davantage mon impatience longtemps concentrée. « Eh, mon père » m'écriai-je. « N'auriez-vous pas pu lui dire tout cela un autre jour ?» Le baron était naturellement violent. Il se leva furieux. Craignant l'effet d'un premier transport, je me sauvai dans le cabinet, dont je poussai la porte sur moi. J'y trouvai la marquise dans une situation bien pénible. Les bras appuyés sur le devant de mon secrétaire, elle tenait avec ses mains ses oreilles bouchées et lisait en sanglotant un papier posé devant elle. Je m'approchai de ma belle maîtresse. « Oh, madame, combien je suis désolé !» La marquise me regarda d'un air égaré. « Cruel enfant, quelle faute tu m'as fait faire ! Parlez donc plus bas ! Mais quel châtiment j'en reçois ! De grâce, parlez plus bas ! Ton père, ton indigne père, il ose ! Mon ami, vous allez vous perdre ! Mais tu es 100 fois plus cruel que lui ! Tiens, regarde cet écrit funeste ! Revois ces caractères perfides ! Mes pleurs les ont effacés ! » Elle me montrait la lettre commencée pour Sophie. « Faublas ! » cria le baron. « Ouvrez cette porte ! Vous n'êtes pas seul dans ce cabinet ? Pardonnez-moi, mon père. J'entends quelqu'un vous parler. Ouvrez cette porte ! Mon père, je ne le puis. Je le veux. Ne me laissez pas appeler mes gens. » La marquise se leva brusquement. « Faublas, dites-lui que vous êtes avec un de vos amis qui demande la permission de sortir. »« De sortir, oh oui ! » reprit-elle avec désespoir. « Quel compte qu'il y a à sortir, il y en aura moins qu'à rester. »« Mon père, je suis avec un de mes amis qui demande la permission de sortir. »« Avec un de vos amis ?»« Oui, mon père. »« Et que ne me disiez-vous plus tôt qu'il y avait quelqu'un dans ce cabinet ?»« Ouvrez, ouvrez, ne craignez rien, je suis tranquille, votre ami peut sortir. »« Conduisez-moi, » me dit la marquise. Elle se couvrit le visage avec ses mains. J'ouvris la porte, nous entrâmes dans la chambre à coucher. Nous allions gagner la porte opposée, qui conduisait à l'escalier. Mon père, étonné des précautions que l'inconnu prenait pour se cacher, se jeta sur notre passage et dit à ma malheureuse amie « Monsieur, je ne vous demande pas qui vous êtes, mais vous permettrez au moins que j'ai l'honneur de vous voir. » « Mon père, je vous conjure pour mon ami de ne pas exiger. Que signifie donc ce mystère ? » interrompit le baron. « Quel est donc ce jeune homme qui se cache chez vous et qui craint qu'on ne le voie en face ? Je prétends savoir à l'instant, mon père, je vous le dirai, je vous donne ma parole d'honneur, que je vous le dirai. » Non, non, monsieur ne sortira pas, que je ne sache. La marquise se jeta dans un fauteuil. le visage toujours couvert de ses mains. « Monsieur, vous avez des droits sur un fils, mais sur moi, je ne le croyais pas. » Le baron, entendant le son clair d'une voix féminine, soupçonna enfin la vérité. « Quoi ? » s'écria-t-il. « Il se pourrait ? Oh, que je suis fâché, que j'ai de regrets, que d'excuses. Mon fils, vous devez sentir que votre père, jaloux de vous rendre à vos devoirs, s'est permis sur le compte de Madame la marquise de B des expressions trop fortes, que le baron de Faublas désavoue. Mon fils, reconduisez votre ami. » La marquise, dès que nous fûmes dans l'escalier, donna un libre cours à ses larmes. « Que je suis cruellement punie de mon imprudence, » disait-elle. Je voulus hasarder quelques mots de consolation. « Laissez-moi. Votre barbare père est moins barbare que vous. » Nous étions dans le vestibule. J'ordonnai qu'on allât promptement chercher un fiacre. Et en attendant qu'il arrivât, je fis entrer la marquise dans la loge du Suisse. Il n'y avait qu'un instant que nous y étions, lorsqu'un homme présenta sa figure par le basistas entr'ouvert et demanda si le baron était chez lui. La marquise se cacha le visage dans ses mains. Je me jetai devant elle pour la couvrir de mon corps, mais tout cela ne put se faire assez promptement. Monsieur du Portail, car c'était lui, eut le temps de jeter un coup d'œil sur la marquise. « Monsieur le baron est chez moi. Si vous voulez prendre la peine d'y monter, je vous rejoins dans un moment. » « Oui, oui, » me répondit Monsieur du Portail en souriant. On vint nous dire que la voiture était à la porte. La marquise monta promptement. Je voulus m'y placer un moment auprès d'elle. « Non, non, monsieur, je ne le souffrirai pas. » La douleur dont je voyais son cœur serré passa dans le mien. Je laissai tomber quelques larmes sur une de ses mains que j'avais saisies et qu'elle ne retirait pas. « Ah, vous vous croyez auprès de Sophie ?» Je voulus encore entrer dans le carrosse. Elle retira sa main et me repoussa. Monsieur, si malgré les discours de votre père, il vous reste encore quelques considérations pour moi, je vous prie de descendre et de me laisser. Hélas, ne vous reverrai-je donc plus ? Elle ne me répondit pas, mais ses larmes recommencèrent à couler avec plus d'abondance. Ma chère maman, quand pourrais-je vous revoir ? Dans quel lieu me permettrez-vous ? Ingrat ? Je suis trop sûr que vous ne m'aimez pas, mais vous devez me plaindre au moins. « Laissez-moi. Remontez chez vous. Le baron vous y attend. » Elle dit au cocher de la conduire chez Madame X, marchande de mode, rue X. Il fallut bien me décider à la quitter. Je retrouvai dans l'escalier Monsieur du Portail qui m'y attendait. « Mon ami, si je suis aussi bon physionomiste que le marquis de B, ce si joli garçon que vous quittez, c'est sa belle moitié. Mais qu'avez-vous donc ? Vous pleurez. Montez, montez chez moi. Vous allez tout savoir. » « Mon père m'a fait une scène. » En entrant, M. de Portail demanda au baron ce qu'il avait. « Ce qu'il y a !» répondit mon père. « Tenez » m'écriai-je. « Madame de B était dans ce cabinet. Mon père entre ici, il s'assied là. Il me fait des représentations sans doute très justes, très paternelles. Mais la marquise entendait tout, et mon père la traitait. Ah, vous n'en avez pas d'idée. Moi, de peur de compromettre une femme honnête, oui, honnête, quoi qu'on en puisse dire, je n'osais m'expliquer. Mais mon père connaît le profond respect que je lui porte. Jamais je ne m'en suis écarté. Eh bien, il est témoin que je souffre, que je lui manque. Monsieur, il ne sent pas qu'il y a là-dessous quelque chose qui n'est pas naturel. Il continue toujours, il ne veut rien deviner. « Jeune homme, » répliqua le baron, « votre excuse est dans vos pleurs. Je vous pardonne les reproches que vous osez me faire à cause de la douleur dont vous paraissez oppressé. Mais plus vous semblez aimer la marquise, mon père. Monsieur, « Madame de B n'est plus là. Pourquoi donc m'interrompez-vous ? Plus vous semblez aimer la marquise, et plus je suis mécontent de vous. Si votre cœur est préoccupé de cette passion, c'est donc avec froideur que vous avez médité la perte d'une fille vertueuse, d'une enfant respectable, de Sophie. Vous n'êtes donc qu'un vil séducteur. Mon père, entre Sophie et moi, il n'y a d'autre séducteur que l'amour. Vous n'aimez donc pas la marquise ? Mon père, monsieur, que vous soyez ou que vous ne soyez pas véritablement attaché à Madame de B, vous concevez que je m'en soucie peu. Mais ce qui m'importe, c'est que mon fils ne soit pas indigne de moi. « Baron !» interrompit Monsieur du Portail. « Je ne dis rien de trop fort, mon ami. Apprenez des choses qui vont vous étonner. Ce matin, je vais au couvent, je trouve Adélaïde dans les larmes. Ma fille, ma chère fille, dont vous connaissez l'aimable candeur, m'apprend que sa bonne amie est malade, et que son frère tarde bien à apporter l'infaillible remède qu'il a promis pour Sophie. Je la presse de s'expliquer. Elle me rend le compte le plus exact des symptômes et des effets de cette maladie que vous devinez, que monsieur connaît, qu'il a causé, qu'il se plaît à nourrir, qu'il faudrait augmenter. Monsieur abuse de quelques dons naturels pour séduire une enfant trop sensible. Il prend sur son esprit un empire absolu, il prépare par degrés son déshonneur. Son déshonneur? Le déshonneur de Sophie? Oui, jeune insensé, je connais les passions. Mon père, si vous les connaissez, vous savez que vous déchirez mon cœur. Mon fils, modérez cette impétuosité qui m'offense. Oui, je connais les passions. Oui, cette enfant que vous respectez aujourd'hui, demain peut-être vous la déshonorerez, si elle a la faiblesse d'y consentir. Il s'adressa à M. Duportail. La recette que M. destine à sa jolie cousine sera renfermée dans un papier soigneusement cacheté qu'il ne faut pas que Mme Munich voie. Vous comprenez, mon ami. Ainsi, tout est prêt. La correspondance va s'entamer. Sophie, la pauvre Sophie, déjà séduite par les yeux, va l'être bientôt par son cœur. Elle fut trompée par une belle figure, signe ordinaire d'une belle âme. Elle va l'être par les charmes non moins perfides d'une éloquence apprêtée. On va, dans des lettres étudiées, affecter avec elle langage du sentiment. Sophie, attaquée de tous les côtés à la fois, tombera sans défense dans les pièges qu'on lui aura tendus. Et savez-vous par quelles mains monsieur compte faire passer ces lettres corruptrices? Savez-vous à qui il confie l'honnête emploi de servir ses détestables projets? À la vertu la plus pure et la plus confiante, à l'innocente Adélaïde, à ma chère fille, à sa sœur. Mon père, ne me condamnez pas sans m'entendre. Vous doutez de mes sentiments pour Sophie. Eh bien, daignez nous unir, donnez-la-moi pour épouse. Et vous disposez ainsi de Sophie et de vous? Les parents de Mademoiselle de Pontis vous connaissent-ils? Sont-ils connus de vous? Savez-vous si cet hymen leur convient? Savez-vous s'il me convient à moi? Croyez-vous que je veuille vous marier à votre âge? À peine sorti de l'enfance, vous prétendez à l'honneur d'être père de famille. Oui. Et je sens qu'il vous sera aussi aisé de consentir à mon mariage qu'il m'est impossible de renoncer à mon amour pour Sophie. Monsieur, vous y renoncerez pourtant. Je vous défends d'aller au couvent sans moi ou sans mon expresse permission. Et je vous déclare que si vous ne changez pas de conduite, une maison de force me répondra de vous. Ah, si au lieu de marier les jeunes gens qui s'aiment, on les renfermait, mon père, je ne serais pas au monde et vous seriez en prison. Le baron n'entendit pas ma réponse ou feignit de ne pas l'entendre. Il sortit. Je retins M. Duportail, qui se disposait à le suivre. Je le priai de vouloir bien être médiateur entre mon père et moi, et d'engager surtout le baron à révoquer l'ordre cruel qui m'interdisait les visites au couvent. Il m'observa que les précautions dont mon père usait étaient assez raisonnables. Raisonnable, voilà comment parlent les gens indifférents. Leur grand mot, c'est la raison. Monsieur, quand vous adoriez le Doïska, quand l'injuste Pulowski vous priva du bonheur de l'avoir, vous ne trouvâtes pas ces précautions raisonnables. Mais, mon jeune ami, remarquez donc la différence. Il n'y en a aucune, monsieur, il n'y en a pas. En France comme en Pologne, un amant, digne de ce nom, ne voit, ne connaît, ne respire que ce qu'il aime. Le plus grand malheur qu'il imagine, c'est celui d'être séparé de l'objet adoré. Les précautions de mon père vous paraissent raisonnables. Moi, je les trouve cruelles. Je ferai tout ce que je pourrai pour les rendre inutiles. Sophie apprendra mon amour. Elle l'apprendra malgré mon père. Elle en sera bien aise et malgré lui, malgré toute la terre, nous finirons par nous marier. Monsieur, je vous le déclare, et vous pouvez le dire au baron. Je n'en ferai rien, mon ami. Je ne veux pas aigrir votre père. Je ne veux pas vous chagriner. Dans ce moment-ci, vous avez la tête un peu exaltée. Je vous laisse faire des réflexions sages, et dès demain, sans doute, vous serez plus raisonnable. Raisonnable? Oui, raisonnable, je m'y attendais bien. Resté seul, je ne songeais qu'au moyen d'éluder la défense du baron ou de la rendre vaine. En y songeant mûrement, je vis que ma situation, quelque pénible qu'elle dût me paraître, n'était pas désespérée. Rosenberg, compatissant aux peines de son ami, m'aiderait sans doute. Jasmin m'était entièrement dévoué. Et je croyais connaître assez mon petit gouverneur pour être sûr qu'avec de l'or, je ferais de lui tout ce que je voudrais. M. Duportail paraissait devoir rester neutre. Je n'aurais que mon père à combattre. Mon père, occupé de son intrigue avec cette belle demoiselle de l'opéra, sortait tous les soirs. Il ne pouvait donc pas me veiller de très près. Voilà les réflexions sages que je faisais. Ce n'était pas celle que M. Duportail m'avait conseillée, mais je ne le trahissais pas, je l'avais prévenu. Cependant, il ne fallait pas, dans les premiers temps, heurter le baron de front. Je devais prudemment m'interdire, pendant quelque temps, les visites au couvent. Mais comment faire passer une lettre à Sophie? Cette lettre était si pressée, si nécessaire. Qui la porterait à ma jolie cousine? Je ne voyais aucun expédient pour me tirer de cet embarras. Parmi les ressources que je m'étais ménagées, je n'avais pas calculé celle qui me restait dans l'amitié d'Adélaïde. Une vieille femme m'apporte un billet, je l'ouvre, il est signé de Faublas. Ah, ma chère sœur, je baise l'écriture et je lis. Je crains bien d'avoir commis tout à l'heure une indiscrétion, mon frère. J'ai appris à mon père que vous m'aviez promis un remède qui guérirait ma bonne amie. Il s'est fâché, il a dit que c'était du poison que vous prépariez pour Sophie. Du poison! Mon frère, en vérité, je ne l'ai pas cru, quoique ce fût le baron qui l'assura. J'ai conté tout cela à ma bonne amie, qui attendait impatiemment la recette en question. « Adélaïde, m'a-t-elle dit, vous avez eu tort d'en parler au baron. Ce remède de votre frère n'est peut-être pas bien bon, mais enfin, nous aurions vu ce que c'est. Au reste, mon frère, soyez tranquille, elle ne croit pas plus que moi que vous ayez voulu l'empoisonner. Comme j'ai vu qu'elle mourait d'envie d'avoir la recette, je lui ai conseillé de vous l'envoyer demander. Elle m'a encore répété ces mots qui me chagrinent. Adélaïde, Adélaïde, ah que tu es heureuse! Cependant, je suis sûr qu'elle serait bien aise d'avoir la recette. Envoyez-la-moi tout de suite, mon frère, je la lui remettrai. Et je vous assure que je ne parlerai de rien à personne. Donnez 3 livres à la femme porteuse du billet. Elle m'a dit qu'elle ne jasait jamais quand on lui donnait un petit écu. Votre sœur, etc. Adélaïde de Faublas. P.S. Tâchez de me venir voir. Transporté de joie, je vais à la vieille. Madame, voilà 6 francs, parce que je vais vous charger d'une réponse, que je vous prie d'attendre. Je rentre dans mon cabinet. Je me mets à mon secrétaire. La lettre commencée pour Sophie est devant moi. Je la vois encore mouillée de larmes. Hélas, ses pleurs, c'est la marquise qui les a versées. Quel discours elle a entendu, quelle lettre elle a lue. Pauvre vicomte de Florville, que de chagrin mon père et moi nous t'avons donné. En me disant cela, je baise le papier sur lequel la marquise a tant gémi, et le sentiment que j'éprouve alors, s'il est moins vif que l'amour, est cependant plus tendre que la pitié. Je reviens à moi, je songe à Sophie. Ce papier, détrempé en plusieurs endroits, n'est pas présentable. Il faut recommencer la lettre 3 fois écrite. Et pourquoi donc recommencer? Au nom, au seul nom de ma jolie cousine, je sens déjà mes paupières s'humecter, je vais sangloter en lui écrivant. Sophie saura-t-elle que 2 personnes ont plairé sur le même papier? Moi-même, pourrais-je, entre ces larmes confondues, distinguer celles qui seront venues de la marquise de B et celles qui m'auront appartenu? Ces réflexions me déterminent, je ne recommence pas, je continue. Sophie, je n'existe plus que par toi, et cependant tu te plains. Tu gémis, tu m'accuses d'ingratitude et de cruauté. Tu crois, tu peux croire qu'il existe au monde une femme, une seule femme comparable à toi, une femme qu'on puisse aimer quand on connaît Sophie? Oh, ma jolie cousine, avec quel transport j'ai reçu la nouvelle de votre tendresse pour moi. Mais quelle douleur j'ai ressentie en apprenant qu'un noir chagrin consumait vos beaux jours, altérait vos charmes naissants, menaçait votre vie. Votre vie? Ah, Sophie! Si Faublas vous perdait, il vous suivrait au tombeau. Ma sœur, qui m'a dévoilé, sans le vouloir, les plus secrets sentiments de votre âme, ma sœur m'a annoncé de votre part une éternelle séparation. Elle m'a dit que vous ne me reverriez de la vie. Ma Sophie, s'il était vrai, elle ne durerait pas longtemps cette vie, qui me deviendrait insupportable. Et vous-même, vous-même! Mais livrons-nous à des idées plus douces. Un avenir plus heureux nous attend. Qu'il me soit permis d'espérer que ma jolie cousine sera bientôt mon épouse et que, tous deux réunis, nous ne cesserons jamais d'être amants. Je suis, avec autant de respect que d'amour, votre jeune cousin, le chevalier de Faublas. Cette lettre cachetée, il en fallut faire une autre. Que vous avez bien fait de m'écrire, ma chère Adélaïde. Je suis privé du bonheur de vous voir. Le baron me défend de sortir. Le baron m'a fait une scène. Il ne fallait pas lui parler de Sophie. Remettez promptement à ma jolie cousine le billet que je lui adresse, et que je joins au vôtre. Ne le lui remettez que quand elle sera seule, et surtout, ne parlez de cela à qui que ce soit. Adieu, ma chère sœur, etc. Je mis ces 2 billets sous une même enveloppe, et je confiai le tout à la discrétion de la vieille.